Ah, ça y est, bon voilà. Ah, je suis en train d'essayer un truc, mais j'y arrive pas. J'enregistre une ligne de basse sur Reaper, mais je sais pas comment on fait pour la boucler et tout ça. Je travaille pas sur ce truc normalement, je travaille sur Ableton et là je suis paumé. J'arrive pas, il faudrait que je demande à Phil. Enregistrer un truc, tu vois. Jam Nimbot, c'est parfait pour faire des enregistrements. Non mais c'est Reaper, c'est... Quand je veux enregistrer, je le fais sur mon séquenceur, en dehors de Nimbot. En fait... Eh oui, mais Reaper, bon, c'est un séquenceur. Moi, je l'utilise que comme interface, c'est tout. Rien de plus. En fait, moi, tu vois... J'ai l'impression que j'ai de l'écho. Ah merde, ils sont bizarres. En fait, ce que je voudrais faire, c'est pouvoir, par exemple, quand t'es sur Reaper, si par exemple y a pas de bassiste, tu fais tourner un. Mieux, là ah bah oui, ça s'est calmé. J'avais un écho. Tu vois, tu fais tourner une boucle de basse. Là, par exemple, j'enregistrais un petit truc de basse. Ah ouais, je suis d'accord, mais t'es pas obligé de le faire tourner avec Reaper. Eh ben, je sais pas comment on fait tourner avec Ableton. Je sais qu'on peut le faire, mais je sais pas comment on fait. Ouais, c'est pour avec Reaper. Moi, j'en ai déjà fait avec Reaper, toi. Alors, par exemple, c'est j'ai mon truc de Santana, tiens, je te le démarre. Ça, tu vois. Ça, c'est ouvert sur Reaper. C'est un MP3 que j'ai mis où j'ai juste la basse et la batterie. Avec le clavier. Donc, je l'ai mis dedans pour tester, mais c'est le seul truc que j'ai fait parce que je trouve ça merde. Moi, je préfère utiliser Guitar Pro. Et puis comme ça, s'il y en a un qui veut prendre la basse, je vire la basse, et etc. Putain, mais j'en ai marre, j'ai un écho, là. Je comprends pas.